Voici donc le microphone, madame. Ce truc-là, cette poire, ce machin... Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voulez-vous écouter à présent ? Les greniers de la mémoire. Un concert donné au théâtre de la direction. Parle. Colette, musicienne. J'aimerais savoir si vous aimez beaucoup la musique et si vous vous en servez pendant vos heures de travail. Oh non ! Elle ne pourrait, elle aussi, mais je boume beaucoup la musique, mais elle ne pourrait servir qu'à combattre les moindres propensions au travail, les moindres... Oh non, je ne pourrais pas, oui, j'aime beaucoup la musique. Nous sommes, figurez-vous, je n'en ai pas parlé beaucoup, mais la famille de laquelle je sors, qui est modeste, aime la musique. J'ai appris mes notes et à lire mes notes en même temps que j'ai appris mes lettres. C'est-à-dire que j'avais 2 ans et demi et 3 ans quand j'ai appris mes notes, à lire mes notes et que j'ai appris en même temps à lire mes lettres. Vous voulez bien savoir ça, oui? La voix d'une femme née en 1873, Colette. Nous sommes en 1949-1950. Colette offrait quelques causeries et entretiens à la radiodiffusion française. Marguerite Yourcenar, qui venait d'entendre ses enregistrements, avait noté « On peut suivre toute la vie au tracé de la voix. Entre le air roulé de la Bourgogne et le jardin du Palais Royal, la longue vie de Colette est un roman. Point n'est ici le lieu de vous raconter Colette. Elle eut trop de vie, comme les chats de ses dialogues de bêtes, vie réelle, d'autres légendaires. Qu'importe, car Colette incarne tout à la fois la célébration de la nature et le tumulte de la vie parisienne, de ses théâtres, de ses music-halls. D'une certaine façon, nous visiterons les deux pays de Colette, car dimanche prochain, avec l'enfant et les sortilèges, la nature sera comblée. Mais aujourd'hui, c'est Colette des salons et des loges de théâtre que nous partons rencontrer. Par quelle fascination la jeune Colette décide de quitter Sido, la mère adorée, pour un homme de 14 ans, son aîné, Henri Gauthier-Villard, dit Willy, journaliste, critique musicale. Célèbre pour ses lettres de louvreuse, des chroniques impertinentes au rythme endiablé, truffées de calembours et de cocasseries sur le milieu musical. Où il y a de la plume, une certaine verve, il n'a pas le style d'un écrivain et réécrit avec adresse quantité d'ouvrages rédigés par une armée de nègres, comme le racontera Colette. La jeune épouse va découvrir aussi l'atelier d'écriture, écrivant pour cette aînée, c'est Claudine, qu'elle se réappropriera lorsqu'elle reprendra sa liberté. Mais n'allons pas trop vite, nous sommes en 1880. Colette s'est mariée en 1893 et participe aux ateliers de Willy. Avant les Claudines, Colette, fine musicienne d'une famille où le piano était toujours ouvert, coécrit quelques chroniques musicales. Les amis de Willy sont musiciens et pour ses lettres de louvreuse, il bénéficie des conseils avisés d'Émile Vuillermoz, de Pierre de Bréville ou encore de Claude Debussy.